des réceptacles de magie noire, conscient et prémédité. C'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades la société a commencé. Ceux qui vivent des morts. Il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliéné pour bouger doucement la mort. Tenir un coup. Cela a commencé 5000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique, la mort lente. Et la médecine moderne complice en cela la plus sinistre et crapuleuse magie. Passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour guider les aradomes de leur moi, de les présenter. Ainsi vit, ainsi, fantastiquement disponible et vit d'obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé Bardo. Il y a l'électrochoc, un état latent par lequel passe. Il lui donne non plus à cet instant qu'on connaît et affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. Il fut passé et ne l'oublierait pas. La médecine soudoyément chaque fois. Elle présente un malade terrible par les introspections électriques de sa méthode. Ce n'est plus moi, le terrorisé de la méthode, incapable de retrouver le roi. Qui a passé par l'électrochoc du bardo et le bardo de l'électrochoc ne remonte plus jamais. Il n'y a pas si longtemps, créer ainsi artificiellement la mort. La médecine présente l'entreprend, favoriser un reflux du néon, n'a jamais profité à personne, et dont certains producteurs à destiner de l'homme se retrait. En fait, depuis un certain point, lequel, celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme, devenir un aliéné et non. Quelle garantie les aliénés et non ont-ils d'être soignés?